je vais m'en sortir. Si tu veux encore profiter de moi, demain tu verras, on pourra partir. Oublier tout ça, je garde la foi. Et puis de toute façon, je n'ai plus le temps. La vie est si courte pour en profiter. Alors maintenant, je vis au présent. Je ferais bien mieux de tout oublier. Je perds le contrôle de ma destinée. La vie qui s'écoule dans le creux de ma main. Mon esprit s'égare, peur du lendemain. Je ne veux plus penser qu'à ce jour présent. Je ne peux réfléchir juste un instant. C'est plus fort que moi, je ressens le vide. La fin d'une histoire, mon vie. Trop fort, non? Ma guitare. Thank you.

Thank you. l'esprit s'égare, peur du lendemain. Tu ne veux plus penser qu'à ce jour présent, plus réfléchir juste un instant. Tu es plus fort que moi, je ressens le vide, la fin d'une histoire. Just an instant, it's been a while. à fond. Ouais, ça va. Yeah.